va continuer à tenir le crachoir en nous parlant d'autres sorties BD. Absolument, la première étant une BD que j'ai honteusement oubliée dans le sommaire, puisqu'il s'agit d'une BD qui s'appelle Pietrolino, et qui est une BD scénarisée par Jodorowsky. Et dessiné par un monsieur qui s'appelle Bois Commun. Alors tu me disais en antenne, Bruno, que ça avait l'air de te dire quelque chose, monsieur. Ouais. Tout à la fin, il y a la biblio de ce dessinateur. Virginie le connaît mieux que moi, en fait. Oui, il a dessiné une BD, je ne sais pas s'il l'a scénarisée, qui s'appelle Ange, et qui était pas mal du tout. C'était deux petits anges dans une église, une cathédrale. Qui était un peu chargé de réparer les erreurs du curé local, je pense. Donc c'était assez marrant parce qu'il y avait le bon ange et le mauvais ange. Ah oui, je me souviens de ça. Oui, ouais, c'était pas mal. Le volume 2 était moins bien, si je me souviens bien. François en avait parlé, je pense. Je pense qu'il y a un volume 3 qui est sorti. Ouais. Oui, il y a trois tomes. Et puis aussi, il est le dessinateur du livre de Jack et du livre de Sam, si je ne m'abuse. Oui, absolument. Qui est un diptyque plutôt fantastique. Oui, je pense que un des personnages se transforme en livre ou le livre raconte sa vie, je ne sais plus très bien exactement. Oui, mais c'était vraiment pas mal du tout non plus. Et c'est un peu dans une ambiance à la Dickens. Mmh. Oui, et puis il travaille aussi avec Sfar et Morvan sur la BD Troll chez Delcourt. Oui. Pas les trolls de Troie, hein. Non. Mais troll. Bon, on va pas trop s'en souvenir de ça, parce que c'est pas une grande réussite. Hein. Oh, bon, moi, graphiquement, ça me... Ouais. Ouais, voilà. C'était il y a longtemps, on va dire. Allez, on va dire ça. Scénarisé par Jodorowsky, une BD qui est scénarisée par Jodorowsky, forcément, ça renvoie à un milliard de choses, puisque Jodorowsky, c'est quand même l'homme de l'incal, hein, finalement. C'est un peu notre maître à tous, pour ce qui est de la science-fiction. Pour ce qui est de la science-fiction, parce que l'incal, c'est un peu le père et la mère de la science-fiction. En bande dessinée. Jodorowsky, qui est un artiste multiforme, puisqu'il est également intéressé au cinéma et à la littérature en général. Si Jodorowsky est un nom qui évoque des souvenirs agréables chez vous, bah vous avez le choix, hein. Précipitez-vous dans n'importe quelle librairie, vous allez trouver des tonnes et des tonnes de choses à lire. C'est un personnage qui est vraiment passionnant. Et Jodorowsky a fondé un groupe d'intellectuels de réflexion qui s'appelait, alors je suis en train de chercher parce que voilà, le groupe Panique dans les années 70, qui était un mouvement qui a fait pas mal parler de lui à l'époque, qu'on ne connaît absolument plus aujourd'hui. Je pense que Topor en faisait partie. Oui, si oui, il y avait plein de gens, oui, c'était le l'intelligentsia française des années 70. Ouais, mais très contestataire et assez radical. Ah oui, tout à fait. Et alors, dans le mouvement Panique, on trouvait également le mime Marceau. Ça ne dit peut-être pas grand chose aux Jones aujourd'hui, sauf qu'il est mort en septembre, donc on s'en est souvenu. En septembre ? Est-ce qu'il est mort en septembre ? Oui, il me semble, c'est par là. Hein. Je pense. Hein. En tout cas, il est mort il n'y a pas très longtemps. Ouais. Il y a à peine quelques semaines, voire quelques mois, mais ça m'étonnerait. Jodorowsky a travaillé pour le mime Marceau et donc lui a écrit les spectacles de mime. Et un de ses textes, enfin de ses récits pour spectacles de mime, a été adapté en BD et ça a donné ce Pietrolino que je tiens en main, qui est publié donc aux Humanoïdes Associés. Alors Pietrolino, ça raconte quoi ? Ben, ça raconte l'histoire d'un clown, d'un mime, d'un artiste de rue pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui va se faire attraper par les nazis pendant l'occupation de Paris. On va lui briser les mains, il va se retrouver expédié dans un camp de travail et il va lui arriver toute une série de choses. Il va réussir à survivre au camp et après la guerre, il se retrouvera à faire le mime, mais faire le mime quand on a les mains brisées et paralysées, c'est assez compliqué, évidemment. Et donc c'est un peu l'histoire de son combat pour la vie. Ce qui est assez étonnant dans ce récit, c'est que c'est très très très très loin des thématiques habituelles de Jodorowsky. Il n'y a pas un pet de science-fiction, mais absolument pas. C'est un récit qui est très humaniste et qui est surtout posé sur un fond politique, sur une charpente politique qui qui est très très bien ficelé. C'est très réaliste en fait dans le récit. C'est un récit de guerre avec les camps et l'horreur que ça peut susciter. Et ce qui est également extrêmement intéressant, c'est que c'est évidemment un récit tragicomique puisque le personnage est un espèce de clown triste comme ça qui fait des trucs rigolos, mais en même temps voilà, il a un petit faire-valoir dont le nom m'échappe, mais qui a une attitude un peu de singe comme ça. Il a une queue factice. Donc c'est un espèce de petit bonhomme qui saute partout. Et c'est vraiment intéressant de voir comment Jodorowsky peut rester très près des valeurs humaines et nous livrer finalement un récit à travers lequel on voit toute la détresse de ce personnage, Pietro Lino, de sa lutte pour sa survie. À la toute fin du récit, on croit qu'il y est presque arrivé, et puis finalement il va y avoir un rebondissement dont on n'a pas le dénouement, puisque ça se trouvera dans le tome 2, il y a un tome 2 à paraître, mais finalement ce garçon va de Charive dans Scylla, c'est assez terrible. Donc voilà, c'est graphiquement c'est pas forcément séduisant au premier abord. Vous parliez tous les deux hors antenne de La Nef des Fous. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, les personnages sont pas forcément hyper réalistes, c'est parfois un peu figé, mais c'est plus stylisé que vraiment mal fait. Donc il y a un style auquel il faut s'habituer, mais la BD est intéressante. Donc si ça vous dit de découvrir une autre facette de Jodorowsky, ou si ça vous dit de vous plonger dans un récit qui est tout simplement humaniste, très intéressant, ben moi je vous recommande ça. Ça s'appelle donc Pietro Lino et c'est aux Humanoïdes Associés. Ça vient de sortir. Voilà. Alors, d'autre part, celle-là, je l'avais annoncée en sommaire. Une BD dont on a beaucoup parlé il y a un an. Ça s'appelle Fraises et Chocolat d'une jeune fille qui s'appelle Aurelia Horita. C'est un pseudo, Aurelia Horita. Alors, j'avais vu ce que ça signifie. Je crois que c'est le nom du crapaud commun. En fait, le nom latin du crapaud commun, quelque chose comme ça. Donc, c'est clairement un pseudonyme. Et en fait, son vrai nom. Alors, ses parents, beaucoup d'humour. Non, mais en fait, non. Il y a un portrait qui est paru dans Libération en 2006, en août 2006, donc il y a un peu plus d'un an à la date de la sortie de ce truc. Et donc, elle s'appelle en fait Chanda Kun. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, ça raconte les premières semaines d'un amour. D'une histoire d'amour on ne peut plus physique et charnelle entre cette jeune dame et Fred Boilet. Alors Fred Boilet, on en a parlé il y a quelque temps lorsqu'on a parlé de la sortie du tome 2 de l'immeuble d'en face de Vanida. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Mm-hmm, oui. Puisque Fred Boilet est en fait un dessinateur de BD et un producteur de BD qui travaille entre la France et le Japon, qui était notamment un des personnages à l'origine du recueil Japon qui était paru chez Casterman Écriture, dont on avait parlé à l'époque, je pense qu'il y a facilement 2 ans de ça. Et donc Fred Boilet, grand personnage de la BD, un type un peu dans l'ombre comme ça, avait fondé à la boîte à bulles un label qui s'appelait Nouvel Manga, et une des premières signatures de Nouvel Manga, c'était Vanida pour l'immeuble d'en face. Voilà. Et alors on se retrouve ici, donc alors c'est assez curieux parce que ce récit, c'est un petit peu à la BD ce que l'Empire des Sens pourrait être au cinéma. Ça baisse dans tous les coins. Mais ah bon ? Ah, il n'arrête pas. Mais vraiment, c'est assez étonnant. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est franchement érotique. C'est dans les premières planches, c'est pas tout à fait explicite. On voit bien qu'elle s'est un peu retenue, mais après, écoute, s'il y a des choses à montrer, autant les montrer clairement. Hein, comme ça, bon, les gens comprennent tout de suite. Et à la fois, c'est d'un graphisme qui est très épuré, très simple. Alors, à la fois dans le graphisme et dans la mise en page, parce que il y a pas de cases, en fait, il y a des traits tracés sur la page, et puis c'est dessiné entre les traits, voilà, ça fera office de case. Les décors sont assez sommaires la plupart du temps, des fois quand le décor fait partie du récit, enfin un voyage au Japon pour visiter un petit peu, donc là, on a des décors, mais sinon, c'est tout à fait sommaire. Ça fait presque penser à du réserve à certains moments, parce que c'est vrai que c'est un peu cru. Mais c'est tout naïf. C'est vraiment de la BD, voilà, en 4 traits, on a un personnage et tout. C'est les pérégrinations de ces gens qui nous font des choses un peu dans tous les sens et avec des objets. Oh mon Dieu, des objets. Ouh, je vais la refermer. C'était tout à fait étonnant. Alors cette BD, elle a fait beaucoup de bruit à l'époque de sa sortie. D'abord à cause de son caractère érotique quand même assez prononcé. Et puis d'autre part parce que ça a quelque chose d'assez impudique. Parce que c'est une vraie histoire d'amour. Je veux dire, la jeune fille en question, Shanda Khan, a réellement... vous excuserez la table de mixage qui fait un peu d'acienne. On va donner un petit coup dedans, ça va aller mieux. Non, c'est la bière qu'on n'arrête pas de renverser dessus. C'est terrible. Mais pas nous, hein. Non, nous on ne boit pas de bière. Non, on ne la renverse jamais. Pas, surtout. Oui, c'est juste. On ne la renverse pas. Oui, en effet. Ceci dit, plus on en renverse, moins on en boit. C'est pas faux. En principe. Mais ceci dit, plus on en boit, plus on finit par la renverser. Bref, donc j'expliquais pourquoi ça avait un peu fait du bruit à l'époque. Donc à cause du caractère érotique du récit, à cause du fait que c'est relativement impudique parce que c'est une autobiographie en réalité, donc je sais pas du tout si tout ce qu'elle explique avec des objets et de la nourriture, ça lui est réellement arrivé, mais on imagine que ça aurait pu lui arriver. Ou alors ça délire à la Frantico, c'est de l'autofiction peut-être. Non, pas du tout, et j'en veux pour preuve qu'un tome 2 va sortir qui raconte réellement la suite de l'histoire. Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être romancé un peu quand même. Il paraît que non. Ah. Si c'est ça, le garçon, en parenthèse, il a de la condition physique. Parce que, bon, enfin, je ne vous livre pas des détails, vous n'aurez qu'à lire, mais ouf, mon Dieu. Ça a fait pas mal de bruit à cause de la personnalité des auteurs, etc. Il y a une assez grande différence d'âge aussi. Fred Boileau, au moment du récit, est au milieu de la quarantaine, alors que elle, c'est une toute jeune auteure de BD, elle a 25 ans. Et donc, on attendait un peu la suite. Surtout que, dans ce premier tome, c'est vrai que c'est assez détaillé sur l'aspect physique de la chose, mais en fait, ce qui fait le fond de commerce de leur relation, donc leur personnalité, ce qu'ils vivent ensemble, etc., on n'en entend pas beaucoup parler, faut bien le dire. Donc c'est assez étonnant de voir qu'on peut tenir un récit. C'est pas petit, hein, c'est un petit format, mais il y a quand même 140 planches, donc ça tient la longueur, si j'ose dire. Et en fait, il n'y a rien d'autre que du cul, finalement. Donc on attend un peu le tome 2 pour avoir quelque part... quelque chose, j'allais dire, d'un peu plus profond, mais ça pourrait être mal pris. Brille, s'il te plaît. Non, mais je veux dire, quand je dis mal pris aussi. Finalement, quand on y réfléchit, tout est dans tout. Hein. C'est le cas de le dire, d'ailleurs. Faut que j'arrête. Oui. Donc voilà, ceci dit, c'est très intéressant en fraise et chocolat, mais vraiment, c'est atypique comme donc, BD. En fait, c'est un super teaser extra large du 2 qu'on attend incessamment sous peu. Oui, alors en fait, ce qu'il y a, c'est que le 2 est sorti. Il est sorti de presse, il a été imprimé. À cause du buzz du 1, qu'on a évidemment relancé un petit peu juste avant la sortie du 2, les quelques impressions, parce que c'est une petite boîte, hein, c'est les impressions nouvelles, ils en ont pas fait des centaines de milliers, et tout s'est vendu genre en 2 jours. Donc il y en a plus. Ce qui veut dire que... Mieux que le Harry Potter. Voilà, alors moi je voulais lire le tome 2, et pourquoi est-ce que je voulais lire le tome 2? Parce que à l'occasion de sa sortie, l'auteur, donc Aurélia Aurica, ainsi que Fred Boileau seront à la Marque Jaune le 17 novembre. Donc on est un petit peu tôt encore pour l'annoncer, c'est dans une grosse quinzaine de jours. Ils viennent dédicacer le tome 2. Donc on espère très fort que les libraires vont d'ici là en recevoir quelques-uns, parce que sinon ça va être très ennuyeux. Voilà. Donc je vous le recommande, mais attendez que ça ressorte. Si vous voulez assister à la dédicace, ça ne peut qu'être intéressant, mais c'est une dédicace qui est sur réservation, parce que vraisemblablement il va y avoir du monde. Or il n'y aura que 20 places pour la dédicace, ce qui veut dire... Oula, que c'est ultra VIP. C'est ultra VIP, ultra collector. Donc si vous voulez y aller, il faut absolument passer à la Marque Jaune ou écrire par email, par exemple, à la Marque Jaune, info@lamarquejaune.be, et réserver votre place. Et on vous dira s'il en reste. Tout à l'heure, il en restait encore quelques-unes, mais ça risque de ne pas durer, c'est annoncé depuis quelques jours. Donc voilà, vous avez tous les renseignements, à vous de décider. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'atypique, mais de fort intéressant. En tout cas, moi, je me suis bien amusé en le lisant. Voilà. Ça s'appelle Fraises et Chocolat, 2 tomes parus aux éditions Les Impressions Nouvelles. C'est bien, hein? Ça a l'air très très bien. Bah, écoute, oui, je me réjouis en fait, moi, de lire le 2, parce que vraiment, on reste un peu sur sa fin quelque part en lisant le 1. Quoique, on reste sur sa fin, on a envie d'en savoir plus, mais en même temps, 140 pages de baise, à un moment donné. Ça va bien, quoi. C'est puissant, homme. Oui, je n'osais pas le dire, mais bon, voilà. Donc voilà, précipitez-vous dessus. C'est tout ce que j'avais à dire.